On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. Salut Bernard. Salut, Danny. Bernard, évidemment, je viens de faire une entrevue avec Lucien Bouté. C'est vraiment un des bons ambassadeurs de la boxe qu'on a eu, de l'histoire de la boxe. Je ne suis pas prêt à dire que c'est un des meilleurs, mais c'est définitivement un des plus grands ambassadeurs de l'histoire de la boxe. Sans aucun doute, de par sa personnalité, de Ouais. par son sérieux, sa façon de se comporter autant sur le ring qu'à l'extérieur, dans le fond, il était dans la continuité d'Éric Lucas, puis pour nous autres, la boxe, l'image qu'il a donnée, mais c'est une image rassurante pour les parents, pour les jeunes boxeurs. Donc, pour nous autres, ça a été une superbe locomotive pour notre sport et ça, il va être difficile à remplacer. OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Bernard, que puis ça, il semblait d'accord. Après le combat contre Carl Froch, il n'a plus jamais été le même. C'est certain que comme Carl Froch, ça fait mal. Hein. La confiance était là. Lui, il était champion du monde depuis 2007. On est en 2012. Donc, il a défendu sa couronne 9 fois là, avec des victoires. Donc, à ce moment-là, il s'est en allé là-bas pour se battre en Angleterre. Puis, il ne pensait pas qu'il n'était pas levé le malheur qui était arrivé. Mais il a rencontré son homme. Fait que c'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal physiquement, ça fait mal mentalement. Et ça fait je pense, un arrêt dans sa carrière, là, un recul dans sa carrière énorme. Mais on peut quand même dire qu'il s'est repris en main par la suite et puis il a quand même connu de très, très bons moments. Lui, il m'a dit qu'il n'aurait jamais monté sur le ring. Il dit, j'ai été blessé, j'étais pas à 100%. Il dit, cette journée-là, j'aurais dû tout simplement annuler. Mais il dit, je garde, il dit, j'en prends, je mets pas en faute sur personne, c'est moi, c'est ma faute, mais j'aurais dû jamais monter pareil. Ben écoute, indépendamment de ce qui est Ouais. arrivé, donc avec le résultat qui s'est produit, effectivement, il n'aurait jamais dû monter sur le ring parce que c'était la plus dure défaite de sa carrière. Elle a vraiment fait mal, grande écoute en plus à la télévision et à ce moment-là, ben ses détracteurs s'en sont payés à cœur joie, là. Ouais. OK. Si on parlait maintenant du côté maintenant de ce qu'il laisse comme héritage, c'est quoi qu'il laisse après toi? Ah, ben, tu sais, Lucien Bouté, là, l'image du gars qui est parti de la Roumanie, qui ne parlait pas français, qui ne parlait pas anglais, et puis qui a fait sa place ici au Québec, et puis qui est un ambassadeur, qui passe dans les médias, qui représente bien notre sport, ben, c'est sûr qu'il y a un héritage là, il ne sera jamais oublié, là, un grand champion comme ça. Il y a eu quelques records aussi dans sa carrière qui vont être pas évidents à battre. Donc, c'est ça. C'est un héritage très, très important là, qui va perdurer pendant longtemps. C'est ça qui me fait penser, Peter Stachny. Je sais pas si ça dit quelque chose, Peter Stachny, joueur de hockey, là. Et il s'est adapté au Québec, il a Bon. appris le français. Il était vraiment l'image, là. Ah oui, sans aucun doute. Moi, j'ai juste des choses positives à dire de Luchan. Tu sais, nous autres, on travaille autour de ces gars-là. Puis le monde de la boxe, c'est pas un milieu qui est facile. Puis des fois, on a des petits talents, là. Généralement, là, la discipline n'est pas là, puis c'est difficile à contrôler. Mais avec des gars comme Éric Lucas et Lucien Bouté, tu sais, on arrivait, nous autres, on avait affaire à les envoyer, à des entrevues, on arrive à la peser, on arrive à des conférences de presse, ils sont là comme des soldats, ils sont respectueux des gens qui les entourent, respectueux du public. Et ça, on ne peut pas en dire autant de tous les boxeurs. Donc, pour nous autres, c'est du bonbon de travailler avec ce genre de boxeurs-là. OK. Bernard, on parle d'athlète, on parle de belle image. Moi, je pense que vous en avez une Marie-Ève Ducaire. Moi, je pense que quand on parle d'ambassadeur, là, ou elle, c'est ambassadrice, là, elle a tout le potentiel pour être vraiment, pour suivre les traces d'Éric Lucas, suivre les traces de Lucien Bouté. Première défense en fin de semaine, c'est contre une athlète qui est. Lina Tejada. Ouais, ce sera pas Lina facile, hein? Tejada de Ce la sera pas nécessairement République facile. dominicaine. Ce sera pas nécessairement facile, hein? La fille a 12 victoires, 5 défaites. On ne peut pas parler d'une grande boxeuse. C'est une OK. opportunité incroyable pour elle. Elle mérite-tu? On ne le sait pas trop, mais elle a quand même 9 victoires pendant la carte. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est très agressive. On a vu quelques-uns de ses combats. Elle est très agressive et elle cogne plus dur que Marie-Ève. Mais on sait que Marie-Ève, sur papier, ça ne devrait pas être compliqué compte tenu de son grand talent, compte tenu du fait qu'elle est gauchère, qu'elle va se mettre en sécurité, qu'elle va travailler en contre-attaque. Mais c'est certain que les premiers rounds vont être intéressants parce que Tejada, elle connaît juste une direction séparée en avant. OK. Si on parlait maintenant du côté je pense que vous voulez la faire boxer 3-4 fois. J'écoutais Yvon Michel cette semaine puis qui disait ça 3-4 fois cette année minimum, hein? Ben, c'est certain que si elle gagne là, on va commencer par attendre puis samedi. Par la suite, ben, tu sais, peut-être à part d'unification de titre ou peut-être de descendre à 147 livres où il y a Cecilia Brakus qui est une grande championne, qui a plusieurs ceintures. Donc, il va y avoir des opportunités pour elle qui peuvent être intéressantes au point de vue gloire, si tu veux, et aussi au point de vue monétaire. Elle est rendue là, elle a une fiche, on sait, invaincue, 14 victoires en 14 combats. Il faut juste que ça tienne le coup, qu'elle continue dans cette lignée-là de s'améliorer, parce que c'est certain que où elle est rendue actuellement, ben de plus en plus, là, les filles qu'elle va rencontrer, là, eux aussi, là, ils sont dignes des ligues majeures, donc ça va être difficile. Effectivement, Lina Tejada ne sera pas favorite dans ce combat-là, mais on sait jamais, c'est la boxe et l'autre elle a une petite plaque. Donc, il suffit d'un seul coup de poing, faire bien mal à Maguiev et c'est tapis pour elle ici. OK. Ça va être bien intéressant. Est-ce que les billets sont en vente? Est-ce que ça s'est bien vendu? Parce que moi, je considère que vraiment... Le casino de Montréal, c'est pas dur à vendre. Place. Et là, ce matin, ce qu'on a vu, il reste, je pense, une vingtaine de billets à vendre. Donc, tu sais, il n'y a aucun problème à remplir ça le samedi après-midi. Là. C'est certain que les gens sont curieux d'aller voir ce premier combat de championnat du monde au Casino de Montréal. Et on en est à notre 63e événement depuis 2004. Et c'est la première fois qu'il y a un combat championnat du monde. OK. Si on y allait maintenant avec Arthur Beterbiev, est-ce que finalement le dossier est réglé, on peut passer à autre chose? Oui, ben dans le fond, avec Arthur, on a fait un bon bout de chemin avec lui. Ouais. Puis on regrette pas ça. Il est maintenant champion du monde depuis déjà un petit peu. C'est sûr que c'est malheureux de la façon que ça s'est terminé, mais à un moment donné, là, on ne peut pas avancer tout le temps quand il y en a un qui est malheureux. Et dans son cas, il l'était. Fait que Yvon Michel a conclu cette semaine une entente avec tout le monde. Là, lui, il voulait s'en aller avec Top Rank et ESPN, puis faire ses affaires. Puis nous, ben là, finalement, une vie, c'est court une vie. Fait que on ne veut pas vivre avec des gens malheureux autour de nous. Donc, il vole de ses propres ailes. On lui souhaite tout le bonheur possible. Et c'est pas le premier qui part, c'est pas le dernier. Mais nous, l'important, c'est que ça continue. Arthur Beterbiev, il y en aura d'autres. Moi, c'est toujours dommage, c'est que probablement qu'il ne connaîtra pas la carrière qu'il aurait dû connaître à cause que sa carrière est mal gérée. Je trouve ça dommage un peu, par exemple. Mais en tout cas, c'est pas de vos affaires, vous avez fait de votre possible. Il est quand même dirigé par Mark Ramsey, qui est un des meilleurs entraîneurs au monde, qui va être capable, lui, là, de cheminer avec lui. Écoute, le talent est là, il n'y a pas de raison, mais c'est certain que là, il avance dans l'âge. C'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de temps à perdre, donc il faut qu'il soit de plus en plus actif, ce qui n'a pas été le cas dans les dernières années. OK. Bernard, en fin de semaine, sur la scène internationale, Errol Spence a démontré encore une fois que c'est un des meilleurs boxeurs livre pour livre. J'ai perdu un petit coup, là. En fin de semaine, il y a eu Errol Spence qui s'est battu en fin de semaine. Errol Spence, Errol Spence, hein, tout le monde le voyait grand favori dans le combat contre Garcia. C'est ce qui est arrivé. Garcia n'était pas capable de lui arracher un round. C'était un gros gars contre un petit gars. Un gros gars pas bon, il est très bon. Donc, Errol Spence, vedette américaine, qui a mis quand même 47 000 spectateurs dans le stade. Donc, lui devient de plus en plus populaire et rapidité, un boxeur illusif, un boxeur brillant, compliqué. Et Garcia, ben là, lui a servi de partenaire d'entraînement pendant 12 ans. Est-ce que c'est pour les Américains, c'est la relève de Floyd Mayweather? Ben, sans aucun doute. Je parlais justement avec Yvon cet après-midi, puis je disais un peu Garcia a voulu un peu tenter le coup de Roberto Duran, qui était monté des poids légers pour aller chez les mi-moyens contre Sugar Ray Leonard. Mais là, on a constaté que Garcia, c'est pas Roberto Duran. Alors, effectivement. Bernard, gros merci. On s'en parle quand l'actualité de la boxe va l'exiger. Pas de problème. Ça me fait plaisir, Danny. Bonne fin d'émission. Notre ami Bernard Barré.